après toutes ces années passées dans mon quotidien. Plein de questions surviennent auxquelles je tiens à faire part pour me vider la tête. Besoin de m'alléger pour aller mieux peut-être. Désolé d'être direct, je ne compte pas choquer ou perturber ceux que je respecte. Un mal pour un bien, je l'espère. Pardonnez-moi d'avance si je fais pleurer mes frères et pères. Besoin de m'évader, de parler un peu de moi. La vie est un combat pour ne pas tomber plus bas que terre. Impossible de ne pas garder les yeux en l'air. Mais j'ai le mal de vivre. J'ai le mal de vivre, pourquoi? J'ai le mal de vivre, pourquoi? Je n'en sais rien mais j'ai du mal à suivre. J'ai le mal de vivre. J'ai le mal de vivre, pourquoi? J'ai le mal de vivre, pourquoi? Je n'en sais rien mais j'ai du mal à suivre. J'ai du mal à suivre l'époque où nous vivons. Trop de choses se passent malgré les forces que nous puisons. Dans mon propre intérieur je me sens comme en prison. Mon bien-être est parti, je dois me faire une raison. Je ne supporte plus les coups bas du destin. Celui-ci a pris mon bonheur et en a fait un fessin. La vie nous prend des proches, j'en ai gros sur le cœur. Main dans la main, nous devons prendre nos frères et sœurs et profiter de chaque instant que de bons moments. Partir du bon pied, prendre le bon chemin. Prendre soin de son monde, de son entourage. Essayer de faire preuve de lucidité et de courage. Profiter de chaque instant que de bons moments. Partir du bon pied, prendre le bon chemin. Prendre soin de son monde, de son entourage. Essayer de faire preuve de lucidité et de courage. Mais j'ai le mal de vivre. J'ai le mal de vivre, pourquoi? J'ai le mal de vivre, pourquoi? Je n'en sais rien mais j'ai du mal à suivre. J'ai le mal de vivre. J'ai le mal de vivre, pourquoi? J'ai le mal de vivre, pourquoi? Je n'en sais rien mais j'ai du mal à suivre. Je parcours ma vie malgré ma boussole désorientée. Serré dans l'étau, j'essaye de me repentir. De faire face à mon passé, à mes heures hantées. J'avoue que ce n'est pas facile pour ne pas mentir. Objectif et droit, m'a ton conseiller. Sors de ta bulle des soucis qui t'ont scié. Tire un trait sur ces années que tu as consignées. Ouvre ta porte et tout sera calciné. Rien de mieux que l'air pur pour des idées en place. Les proches qui t'entourent pour t'aider à faire face. Une page se tourne pour que tout s'efface. Deux pages, trois pages, ainsi les jours passent. Je retrouve le bonheur, les joies malgré tout. Il suffit d'une personne pour me rappeler tout. Un ami tenait à se confier étant ivre. Les yeux dans les yeux, s'exclamant. J'ai le mal de vivre. Pourquoi? J'ai le mal de vivre, pourquoi? Je n'en sais rien mais j'ai du mal à suivre. J'ai le mal de vivre. J'ai le mal de vivre, pourquoi? J'ai le mal de vivre, pourquoi? Je n'en sais rien mais j'ai du mal à suivre. J'ai du mal à suivre. J'ai du mal à suivre. J'ai du mal à suivre.